Guevara voudra me checker me voir. Moi, révolutionnaire, me Che Guevara. Me voilà, donc faut que l'ou ça masse. Ouf, voilà où ça marche, je lasse où ça marche. Je passe un calage et l'affaire. Dis à mes ennemis que je vais pas lâcher l'affaire. Hey yo, c'est à toi le monde, porte de la chapelle. Ta gueule a pu l'étoffe d'une star lorsqu'elle lâche une paire. Moi, un spécimen de l'espèce humaine. Moi, un décimen, moi, un persimen. Une substance hallucinogène, endurcinogène. La rue c'est mon chien, moi je ne la réussis mon cher. Viens d'un pénis italien, l'odeur de l'oseille adoucit mon zen. T'as qu'à pleurer si t'as rien. Ce que je suis, moi, un Iroquois, un indien. Et même pire ou quoi, Damien. Mon fils c'est mon mini-moi, sa mère c'est mon territoire. Moi un futur vieillard, moi un simili-roi. Viens la voix, explose la bombe humaine. Imagine-moi un pompe en l'air à la banque populaire. Tranche sa jugulaire si elle commet l'adultère. Veille sur terrain si tu veilles sur le terrain. Les chaînes ma horde sont hors d'eux. Les futurs morts n'ont plus de remords. On a la culture de hors d'eux. La culture des parkings, à part moi y'a pas de king. Va te faire palpli par ti intime par Kimi. Ou viens dans le coliseum. Esprit mappé, faut des gorilles énormes pour corriger l'homme. J'ai deux fois trop de haine, comment pardonne. J'suis un N, un membre marron. Le mandarom, demande à Rome. Les aliénés, c'est ceux qui ne veulent pas voir ces araignées avec ces araignées. La fatalité, c'est croisième Louis quand il est minuit ou fatalité. On peut pas arrêter les descendants de Zapata en marité. Y'a pas d'échappatoire à part l'abattoir. C'est là, tape chirurgicale, si tu ricanes. Cartel hurricane sur la webcam, soit à du Ricard. Connais-tu le bruit d'une lame? Tout le monde mérite une arme au pays du mal. Ce rap n'est que le péril d'une âme. Hanté par le cri de ma femme qui accouche sans péridurage, une lite. Pour le braquage des racistes, défonce sa cage thoracique, et sa cage des racines. Master, c'est la suprématie. Un chien doit mourir comme un chien. J'aime insulter ma cible. Le loup suit prêt à moi assis. L'anarchie, j'ai fumé un Garcia à bois d'Arcy. Ne confie pas ton arme à Narcisse. Mon âme a noirci comme celle d'un marxiste. Et méfie-toi des mecs trop pisses. De ce bien l'instant propice qu'on perd la notice. Cri, cri, mi, mi, no, no, lo, lo, ji, ji. Yoka, yoka, yoka, yoka, folie. Master, Zed, Gecko, Néo, gros. Ha, ha, ha, ha. Sakyo, crimino. Yoni, crimino. Loco, crimino. Sona, crimino. Tous les scales à l'UNESCO. Zed, Gecko. Le charlatan, l'escroc. Zed, Gecko. Crimino. Omar, crimino. Kosa, crimino. Fiston, crimino. Escalade d'Esco, 7 Gecko. Je le dis, un escalator l'Esco. Roma, crimino. Crimo, crimino. Mar, crimino. Sous, crimino. Tout l'escalade d'Esco. Les vistros, presto, escro, Alexro.